Puis la conversation descendit aux événements contemporains. Les mariages espagnols, les dilapidations de Rochefort, le nouveau chapitre de Saint-Denis, ce qui amènerait un redoublement d'impôts. Selon Sénécal, on en payait assez, cependant. Et pourquoi, mon Dieu? Pour élever des palais au siège du muséum, pour faire parader sur nos places de brillants états-majors, ou soutenir, parmi les valets du château, une étiquette gothique. J'ai lu dans La Mode, dit Sisi, qu'à la Saint-Ferdinand, au bal des Tuileries, tout le monde était déguisé en chicard. Si ce n'est pas pitoyable, fit le socialiste, en haussant de dégoût les épaules. Et le musée de Versailles, s'écria Pellerin, parlons-en. Ces imbéciles-là ont raccourci un Delacroix et rallongé un Gros. Au Louvre, on a si bien restauré, gratté et tripoté toutes les toiles que dans 10 ans, peut-être, pas une ne restera. Quant aux erreurs du catalogue, un Allemand a écrit dessus tout un livre. Les étrangers, ma parole, se fichent de nous. Oui, nous sommes la risée de l'Europe, dit Sénécal. C'est parce que l'art est inféodé à la couronne. Tant que vous n'aurez pas le suffrage universel, permettez, car l'artiste, refusé depuis 20 ans à tous les salons, était furieux contre le pouvoir. Et qu'on nous laisse tranquille. Moi, je ne demande rien. Seulement, les chambres devraient statuer sur les intérêts de l'art. Il faudrait établir une chaire d'esthétique, et dont le professeur, un homme à la fois praticien et philosophe, parviendrait, j'espère, à grouper la multitude. Vous feriez bien, Hussonné, de toucher un mot de ça dans votre journal. Est-ce que les journaux sont libres? Est-ce que nous le sommes? Dit Delaurier avec emportement. Quand on pense qu'il peut y avoir jusqu'à 28 formalités pour établir un batelet sur une rivière, ça me donne envie d'aller vivre chez les anthropophages. Le gouvernement nous dévore. Tout est à lui. La philosophie, le droit, les arts, l'air du ciel. Et la France râle, énervée, sous la botte du gendarme et la soutane du calotin.